ensoleillées. Et là, on va garder un temps ensoleillé toute la journée. On ira jusqu'à 26 degrés en Campine, 23, 24 sur les hauteurs de la pointe de Luxembourg, 25 sur l'ASB et 24 sur l'ouest du pays où finalement les éclaircies vont finir par se développer également. Demain, plein soleil cette fois pour tout le monde et maxima de 23 à 27 degrés. 21 à 25 pour vendredi, même valeur pour samedi avec un léger risque orageux sur l'ouest. Et puis dimanche, légère baisse des températures comprise entre 18 et 23 degrés. Merci d'écouter Vivacité, les 13h. Les titres du 13h. Ferreira quitte le Standard, il est remplacé par Alexander Jankovic. La décision ne surprend pas grand monde à Sclessin. Les résultats des Rouges n'étaient pas à la hauteur depuis le début de la saison. Analyse aussi des enjeux du match contre Chypre ce soir pour les Diables Rouges. Il n'est pas crucial pour la qualification, mais c'est un rendez-vous que nos joueurs ne peuvent pas rater. On reviendra aussi sur la fermeture de Caterpillar. Ça part dans tous les sens. À la Chambre, on évoque l'idée de saisir la justice pour désigner des mandataires locaux chez Caterpillar. À la région wallonne, Paul Magnette est formel. Il reprendra le contrôle du site s'il ne parvient pas à y maintenir une activité. En fin de journal, direction Framerie aussi, où des élèves de primaire ont collé des PV aux parents en infraction ce matin. Le développement de ces titres, le journal de 13h, Manu Delporte, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Yannick Ferreira au Standard, c'est fini. Alexander Jankovic arrive de Malines. Le limogeage du coach était dans l'air depuis un moment. Manu Ferreira, l'oncle de Yannick, lui aussi passé par le Standard, n'est pas du tout étonné par cette décision. Oui, on ne peut pas dire qu'on soit surpris, hein, puisqu'elle était dans l'air depuis quelques semaines déjà, voire quelques mois. Donc elle me surprend pas, mais je pensais quand même, comme il n'avait pas pris la décision la semaine dernière, au début de cette trêve internationale, qu'il allait quand même être là pour le prochain match. De là, ça me surprend un peu le timing maintenant, mais bon, qu'il ait limogé, c'est pas vraiment une surprise. Je pense que, vu l'attitude des dirigeants ces derniers mois, leur décision était prise depuis longue date. Il fallait, je pense que c'était une question de temps, la question de trouver un successeur, je suppose. Mais leur décision était déjà prise depuis longtemps, qu'ils n'allaient pas continuer avec Yannick. Manu Ferreira, à propos du limogeage de son neveu à la tête du Standard avec Christophe Reculé. Le Standard est actuellement 11e du championnat avec 6 points seulement sur 15. Le Standard qui organise une conférence de presse cet après-midi. Mais le foot aujourd'hui, c'est aussi les Diables Rouges. Ils vont tenter de se qualifier pour le Mondial 2018 ce soir contre Chypre. Premier match officiel de l'ère Roberto Martinez. Les supporters attendent, espèrent un nouveau départ, Thierry Luters. C'est évidemment un match important, crucial, dit le coach, pour l'équipe belge, et cela pour différentes raisons. C'est tout d'abord la première rencontre officielle pour Roberto Martinez. C'est aussi le premier match d'une nouvelle campagne qualificative, comme un nouveau chapitre à écrire dans la perspective de la Coupe du Monde en Russie dans 2 ans. Il y a un an, ici même, à Nicosie, les Belges avaient sué sang et eau pour venir à bout de cette formation chypriote, finalement battue 0-1 sur un but d'Eden Hazard. Mais c'est aussi un match d'une importance psychologique extrême, parce qu'il semblerait qu'un lien soit cassé désormais entre les supporters et les Diables Rouges. La terrible déception de l'élimination précoce en quart de finale des œuvres des Gallois à l'Euro n'a pas du tout été adoucie par la prestation livrée par les Diables il y a quelques jours face à l'Espagne. Des Diables véritablement surclassés pour la circonstance et qui ont tout intérêt à se racheter ce soir sur la terre chypriote, avec bien sûr une victoire à la clé, mais aussi et surtout, a-t-on envie de dire, avec la manière. Chypre-Belgique donc ce soir à 20h45, à suivre bien sûr sur tous les médias de l'RTBF. Le drame à Messancy, en province de Luxembourg. Hier, une petite fille de 4 ans est morte noyée dans la piscine familiale. Sa mère a entendu des cris, mais elle est arrivée trop tard. Elle s'occupait apparemment d'un autre enfant en bas âge. Ça s'est passé dans la seconde résidence de cette famille originaire du Grand-Duché de Luxembourg. Aucun élément suspect n'a été décelé. Il s'agit, selon le parquet, d'un accident. Le dossier Caterpillar, à présent, avec les parlementaires belges, tout bonnement indigné par l'absence des patrons de l'entreprise à la Chambre ce matin. Les syndicats convoqués, eux, se sont présentés. La direction a refusé sous prétexte que la procédure Renault impose de réserver la primeur des informations aux représentants du personnel. Ça démonte les parlementaires. Olivier Chastel pour le MR propose d'aller en justice pour désigner un mandataire dans les conseils d'administration et déposséder les Américains de la totale maîtrise des décisions concernant l'entreprise. Et au Parlement, eh bien, une réunion avait lieu ce matin devant les commissions emploi et économie. Pas de fatalisme, tonne Paul Magnette. Notre priorité, c'est de sauver tout ce qui peut l'être et nous reprendrons le contrôle du site, dit-il, soit en expropriant, soit avec une autre solution. Le contenu de cette discussion que nous avons amorcée avec la direction, c'est poser toutes les questions qu'on doit poser dans le cadre de la phase 1 de la loi Renault, contester toutes les argumentations économiques, présenter toutes les alternatives avec l'aide de nos outils économiques, de nos avocats, et voir éventuellement ce que l'on fera du site si, un jour ou l'autre, la décision était confirmée de ne pas maintenir de production du tout ou trop peu pour que le site puisse être utilisé. Et nous reprendrons le contrôle du site. Ça, c'est une promesse formelle que nous faisons, quelle que soit la voie, par des voies d'expropriation, par des voies de négociation, mais évidemment, on reprendra. Il faut, s'il y a fermeture, qu'au lendemain même, une autre activité recommence et que la reconversion recommence. C'est extrêmement important pour la vitalité de notre tissu économique. Paul Magnette avec Rudy Hermans. Et la question, c'est donc aujourd'hui, où sont les patrons de Caterpillar? Qui sont d'ailleurs les patrons de Caterpillar pour négocier cette fermeture? Les patrons locaux ont plié bagage depuis longtemps. Qui dirige donc cette usine en Belgique? Élément de réponse avec Cédric Loriot. Depuis vendredi matin et l'annonce de fermeture faite par un responsable américain du groupe Caterpillar, la communication est cadenassée. Aucun membre de la direction ne s'exprime. La fermeture est une décision de la maison mère, pas de la direction Carolo. C'est donc la maison mère qui a la main. Le seul autorisé à parler, notamment à la presse, c'est un responsable de la corporation Caterpillar basée à Bruxelles, en charge des affaires pour la région Europe, Afrique, Moyen-Orient, bref, la moitié du monde. Le groupe Caterpillar ne compte pas non plus s'exprimer devant les députés à la Chambre. Certains y voient un manque de respect pour les travailleurs. Caterpillar parle, lui, de respect de la loi Renault qui impose de réserver toutes les explications au conseil d'entreprise. Mais alors, qui sera autour de la table lundi prochain lors de ce CE? Eh bien, ce seront les Carolo. La maison mère a mandaté la direction locale pour mener toute la procédure Renault. Les syndicats auront donc face à eux des gens qu'ils connaissent, l'actuel administrateur délégué Thierry Hansen, les ressources humaines, les relations industrielles, etc. Notons en passant que l'ancien administrateur délégué de Gosselies, Nicolas Plutnik, a lui été promu il y a un an à la direction de Caterpillar Europe. Syndicats et directions locales pourront aussi tenir des réunions hors procédure Renault pour gérer les affaires courantes en somme. En résumé, la direction américaine est venue annoncer sa décision au Carolo à présent à gérer au mieux la fin de Caterpillar Belgium. Merci Cédric. Et pour en terminer avec Caterpillar, notez que le CNI, le syndicat national des indépendants, demande que les mesures qui seront prises pour les travailleurs de Caterpillar le soient aussi pour toutes les PME sous-traitantes et pour leurs travailleurs. Je vous rappelle que 2200 emplois sont concernés directement, mais que plusieurs milliers d'autres le sont indirectement. La route à présent, elle est moins dangereuse. Il y a moins de morts sur les routes pendant les 6 premiers mois de l'année 2016. Les statistiques sont encourageante. La météo capricieuse y est peut-être pour quelque chose. Les motards sont moins sortis en ce début d'année. Ce qui est positif aussi, c'est la diminution des accidents mortels le week-end. Les politiques de prévention payent enfin, selon l'Institut belge pour la sécurité routière. Et puis c'est un classique, hein, en début d'année, la police sensibilise aussi les parents à la sécurité aux abords des écoles. Ce matin, dans le Borinage à Frameries, la police boraine avait déployé les gros moyens pour cette opération et les enfants étaient mis à contribution. Opération suivie par Florence Dussard. Ce matin, il bruine. Cette petite rue de Frameries est envahie de policiers. Pourtant, cette maman s'arrête au milieu de la rue pour déposer sa fille à l'école. Elle se fait réprimander par Chimène dans son uniforme de policier. C'est bien parce que vous êtes arrêté après le passage piéton, mais vous devez toujours regarder. Si un véhicule, parce que les gens sont souvent pressés, si un véhicule qui vous dépasse par la gauche, il va peut-être faire attention aux enfants qui traversent, il ne fera pas attention à votre fille qui sort de la voiture. Et là, vous risquez la scène. Bertrand Carrois, Police Borène. Le message est beaucoup plus important et passe mieux au niveau des enfants. On a beau quelquefois faire des campagnes au niveau des adultes, ça ne marche pas. On s'est rendu compte qu'avec les enfants, là, quelquefois, on arrive à toucher les parents. Sur 10 enfants victimes d'accidents, 4 le sont sur le chemin de l'école. Mais pas juste en face, environ 300 mètres autour de l'école. Benoît Godard de l'IBSR. C'est justement dans cette zone-là que se produisent les accidents, d'où la nécessité vraiment de rester vigilant, pas uniquement juste en face de l'école, mais également à 100 mètres, à 200 mètres, quand on redémarre, souvent en trompe, pour se rendre au travail. L'idée est évidemment de pérenniser les bonnes habitudes. Nathalie Durie, directrice. Si on remarque de nouveau de mauvais comportements, on ira à nouveau vers eux, on dira aux enfants, attention, vous voyez, il y a de nouveau de mauvais comportements. Reste à voir si les bonnes résolutions des parents tiendront dans la durée. La route encore avec ses travaux spectaculaires sur le ring de Charleroi. Aujourd'hui et demain, vous le savez, de gros travaux sont en cours sur le R9. Aujourd'hui et demain, les ouvriers soulèvent la partie centrale du pont de l'Abeille. Des travaux qui ont lieu au-dessus de la Sambre. C'est donc assez compliqué. Les poutrelles vont bouger centimètre par centimètre pendant 48 heures. Les travaux de réhabilitation, eux, prendront encore plusieurs semaines. Et sur la route aujourd'hui maintenant, Pierre Collard-Bovy, on signale un souci à Épigny sur l'autoroute 42. Oui, effectivement, c'est un accident impliquant plusieurs véhicules sur le 42 Mons-Liège, peu après Épigny, comme vous le disiez. Les voies de gauche et centrale sont neutralisées. Il y a déjà 2,5 km de ralentissement. Vous perdez 25 minutes en direction de Liège. Note également ce camion en panne sur la N4 Namur-Arlon autour de Champlon. La bande droite est neutralisée en direction d'Arlon. Soyez extrêmement prudent. Un petit ralentissement déjà sur le ring de Bruxelles en extérieur entre Strombeek-Beveregem vers Grand Bigard. Et puis attention, ce chantier mobile dans l'échangeur de Dossou. Dans la bretelle, actuellement, c'est dans la bretelle reliant le 411 venant de Bruxelles à le 42 en direction de Liège. Soyez prudent, ouvrez l'œil. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, on prend la vie du bon côté et elle va être vraiment bien cet après-midi, cette émission, parce qu'on peut tous séduire avec nos différences. Surtout avec nos différences, Manu. C'est ça qu'on va leur mettre dans la tête. Et dans la nôtre aussi, hein, parce qu'on n'est pas toujours convaincus de la chose. Voilà. Merci pour ce journal. L'info revient à 14h. Entrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. À 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue. Je souhaite tout de suite l'anniversaire d'une collègue qui ne fait que pas. Bon anniversaire, Jocelyne. Vraiment. Bon anniversaire. On travaille ensemble depuis tellement longtemps. Tu as un âge raisonnable, on va dire aujourd'hui, Jocelyne. Voilà, je t'aime fort. Voilà, je voulais te le dire. Et t'es vraiment une collègue super. Voilà, je suis dans l'émotion de vivre ce jour-là avec toi. Voilà, ça c'est dit. Parce qu'elle passe maintenant, hein. Bah oui. Pour nous servir une eau pétillante. Donc tout voilà, c'est pour ça que je lui rends hommage. Bon, on va parler aujourd'hui de notre capital séduction, du mien, du vôtre, de celui de tout le monde. Tout à fait. On a tous un capital séduction. Croire en son capital séduction en prenant conscience de ses richesses, tout un programme. Quand on dit capital séduction, c'est pas que la drague. Non, c'est pas ça du tout. C'est important. Va bien au-delà. Voilà, c'est rayonnement, comme vous l'avez si bien dit, c'est capital sympathie, c'est tout ce qui fait que finalement on est unique et on a des richesses propres, richesses pas au sens matériel bien sûr, ressources, qualités et qui fait qu'on rayonne ou qu'on rayonne pas ou qu'on n'arrive pas à se servir de ces qualités et de ce qui fait qu'on est quelqu'un d'unique et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Super, justement. Super. Cap sur notre caractère unique, notre côté unique. En effet, nous abordons ce thème, c'est pas par hasard, hein, ce mardi, Julie. Nous n'abordons évidemment pas ce thème par hasard, puisque nous aurons l'occasion de reparler de ces ateliers sur ce thème lors de nos événements Cap 48 en cours d'émission, parce qu'on co-organise toutes les deux. Merci, oui. Julie, de porter avec moi ces projets. Ah bah, avec plaisir. C'est beaucoup d'énergie, hein, c'est beaucoup de stress. Hein, beaucoup de nuits blanches. Oh, le 30 septembre à Mons, organiser un événement, c'est incroyable quand c'est même. Incroyable. Hein. On rend hommage à tous ceux qui organisent des choses autour de nous, on se rend pas compte quand on l'a pas fait. Non, mais c'est vrai. faut penser à tout, à tout, à tout. Donc le 30 septembre à Mons, nous serons en journée atelier ici, à Mons, et nous serons le 6 octobre à Liège en soirée conférence. Et ce thème-là fait partie des ateliers que nous vous proposerons. Alors, nous leur demandons quoi à nos auditeurs? Venez nous dire comment ça se passe pour vous, justement, avec votre différence. D'abord, êtes-vous conscient de votre différence? Quand on parle d'une différence, c'est laquelle? Ben, ça veut dire tout ce qui fait de soi quelqu'un d'unique. Donc, quelqu'un peut avoir, par exemple, beaucoup d'humour ou beaucoup d'empathie. Ça, c'est au niveau caractère, un trait de caractère. Oui, parce qu'évidemment, il y a le physique aussi. Mais il n'y a pas que ça. Hein, oui, ça, c'est voilà, sûr. C'est sûr qu'on est tous différents. Hein, aussi, de toute façon. Ça ne se loupe pas. Et c'est vrai que parfois, il faut aussi se réconcilier avec ce qui fait de nous quelqu'un de différent. Et ça aussi, on peut en parler. Mais vraiment, l'idée, c'est de venir nous dire quand vous avez pris conscience que vous étiez vraiment quelqu'un d'unique et que vous pouviez vous démarquer grâce à ça. Comment? Si vous n'en avez pas pris conscience, venez, on essayera de... Venez. Voilà, de vous trouver votre particularité. Et puis voilà, c'est ça qu'on leur demande aujourd'hui. Ouais, d'accord. Allez, on met le cap en effet sur nos différences, mais surtout sur ces différences qui séduisent. Et si vous vous dites, jusqu'à présent, elles n'ont pas su, elles n'ont pas séduit à ma différence. C'est parce que vous avez mal communiqué. Ouais. Vous avez mal communiqué sur votre différence. Ouais. Non, ouais, on va vous aider un peu à mieux communiquer là-dessus. 070 23 33 23 SMS 30 63. Nous parlons ensemble de comment mettre nos différences et nos richesses au profit de notre capital séduction. Oh, ça me plaît ça comme thème. Je peux rester pendant deux heures, s'il vous plaît. Oui. Allez, je suis là alors. La vie du bon côté. Entre Noël et jour de l'an, sur les quais des gares, des enfants qui passent de papa à maman, le cartable et la brosse à dents. Les histoires du soir ont changé, plus de princesses à libérer. J'ai de papa, j'ai de maman, mais je suis toujours un enfant. C'est le monde moderne, les gens sont les mêmes. Y'a des joies, des peines, y'a des cœurs qui s'aiment. La chanson c'est la même, y'a des gens qui s'aiment dans le monde moderne. C'est le monde moderne, et moi je suis le même. J'ai des joies, des peines, mon cœur qui sonne, mais pour moi c'est idem. Tu es parti quand même dans le monde moderne. Sur les plages bondées en été, les familles sont recomposées. Il y a la femme qu'on a aimée et celui qui nous l'a avec son temps quand on voit la joie.

justement de mettre ça à l'honneur. Et si ma différence était ma richesse? C'est comme ça qu'on a intitulé ces deux journées. C'est vrai. Et c'est pas seulement pour ceux qui confondent un peu, c'est pas seulement pour les personnes handicapées, non, évidemment. Non, c'est pas uniquement de cette différence-là. Je me souviens d'une conversation avec Jean-Marc Colson, qui sera donc un des intervenants de ces deux événements, qui me disait, mais tu sais, au fond, on est tous complètement différents et on est tous un peu handicapés. Et ça, il faudrait de vraiment quelque qu'on chose, s'en de quelque rende chose, compte. Que c'est un mot finalement qu'on voilà. véhicule mal. Exactement. Sûr. Et donc, c'est ça qu'on a voulu mettre en avant. C'est finalement le handicap physique, par exemple, c'est quelque chose qui se voit, mm-hmm. mais on a tous des blessures, des croyances limitantes qui font que on est bloqué, on est coincé, on n'ose pas, voilà. Et finalement, c'est vrai que on a été toutes les deux à la conférence de presse Cap 48 oui, pour et le lancement m'a frappée, de la campagne. Oui. En visionnant les spots, etc., c'est que finalement, surtout que cette année le thème c'est le handicap peut en cours de vie à tout moment, et que finalement c'est eux qui nous donnent les plus belles leçons de courage ouais. et d'audace. Hein? Absolument. Et c'est ça qu'on avait envie aussi de mettre comme fil rouge de ces deux événements, c'est voilà, comment je peux moi cultiver ma différence, en faire une richesse et ne pas la cacher et l'affirmer, comme vous l'avez bien mm-hmm. dit aussi, vraiment affirmer ce qu'on est finalement et accepter ce qu'on est et être d'accord avec ça et réconcilier avec ça une ouais. fois pour toutes, parce que sinon c'est un combat sans fin contre soi-même et c'est quand même pas cool. D'abord être d'accord avec soi-même, voilà. en disant voilà, je suis comme ça et j'assume qui je suis. Oui, et exactement. Et quelque part, c'est comme ça. J'ai pas choisi. Non. C'est comme ça. On fait avec, comme on dit. Fais avec, en effet. Donc d'abord assumer par rapport à soi, et puis évidemment véhiculer cette assumation, cette assurance, le fait d'assumer ça par rapport aux autres. Voilà. Oui, et ne pas se conformer. Hier, vous parliez de la fidélité au clan oui. Avec Nathalie Van Crenest. Oui. Voilà. Et c'est un peu la même chose. Parfois, on pense qu'on doit correspondre à ce qu'on attend de nous, et puis c'est ça aussi passer à l'âge adulte, c'est ce moment où on se dit bah non, mince, en fait j'ai pas envie d'être comme ça, ça ce ne sont pas des valeurs qui m'appartiennent, moi je suis plutôt comme ça, et j'ai le droit de me différencier. Et quand je dis à l'âge adulte, parfois ça arrive très tard, ce passage-là, ce rite-là. Mais c'est aussi ça, c'est se différencier de ce à quoi on veut nous conformer, physiquement, intellectuellement, etc. Mmh. Et c'est là-dessus qu'on avait envie d'appuyer pour ces deux événements. De communiquer là-dessus, en effet. Donc vous êtes tous différents. Et c'est vrai que vouloir se fondre dans la masse équivaut à étouffer ce que vous êtes, en fait, et ce qui fait de vous un être unique. Donc venez, en tant qu'être unique, prendre la parole au 070 23 33 23 ou par SMS 50 centimes si vous nous envoyez un message 30 63. On vous rappelle, bien sûr, si vous souhaitez intervenir. On vous donnera aussi, en cours d'émission, un numéro de GSM pour vous inscrire pour la journée de Cap 48, soit le 6 septembre, le 30 septembre à Mons, le 6 octobre à Liège. Pourquoi on va vous donner un numéro de GSM? Parce que des personnes viennent vers nous en disant « Mais Sylvie, je vous ai envoyé un message, vous ne l'avez pas vu. » Mais non, parce que vous envoyez soit par SMS, soit vous appelez au 070, mais je ne suis plus là pour... Enfin, nous ne sommes plus là, l'équipe, pour répondre. Voilà. Ou soit c'est noyé dans les mails. Oui. Donc, on va vous donner un numéro de GSM, comme ça, vous pourrez toujours nous laisser un message. Bon, ici, pour intervenir sur antenne, 070 23 33 23 ou par SMS 30 63. As the day will come to shore and wash me up at your front door, never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear, funny how this works, my dear, only dawn could bring me back. No, no, no, no, no, no. Now's the time to understand. No, no, no, no, no, no. And now I see how we could be so young, feeling like we're so strong, always. avec Saul. Bah, ils affirment leurs différences, Peggy, hein. Et ça marche. Quelque part, ils ont trouvé leur style. C'est ça aussi, affirmer sa différence. Je ne connais pas bien, donc je ne sais absolument pas. Mais enfin, la chanson, elle vous plaisait, la chanson? Oui. Ou bien vous voulez qu'on la change? Non, oui, pour moi, on peut changer. On peut mettre Amir à la place. Oh, Amir, oui, je sais que vous êtes fan. Je sais que vous êtes fan. Non, moi, je dis Peggy, ils ont leur spécificité. C'est vrai. C'est un groupe particulier. C'est du belge en plus, donc on en est fiers. Voilà. Et Peggy a cru en son capital séduction. Oui. Puisque ça marche. Ah oui. Parce que c'est ça, croire en son capital séduction, c'est de dire, voilà, moi je suis comme ça, moi j'assume la musique que j'assume, je vais m'énerver, attention, hein. Et moi, je vais faire un tabac. Donc croire en son capital séduction, tout en prenant conscience de ses richesses, c'est vrai que c'est un peu là-dessus qu'on souhaite témoigner, qu'on souhaite vous inviter à témoigner aujourd'hui. Encore une fois, on ne parle pas que des différences physiques, on parle non, de différences bien sûr. À tout niveau. Bien sûr, je me souviens lors d'un atelier justement que j'ai animé sur ce thème-là, une maman par exemple qui me disait « Mais moi je suis trop maman, moi c'est mes enfants avant tout, du coup j'ai complètement zappé mon côté femme, même au boulot, etc. » Elle a tout mis entre parenthèses. Et voilà, parfois la vie fait qu'il y a des périodes où effectivement on est plus centré sur quelque chose. Bon, il y en a qui vivent à du mille à l'heure et qui sont sur plein de fronts différents, je ne vise personne. Ah bon? Mais voilà, cette maman-là, par exemple, finalement, s'est réconciliée avec le fait que oui, c'était important pour elle d'être une maman. Elle ne l'a plus vue comme quelque chose de limitant et de bloquant. Et dans la foulée, elle s'est ouverte aux autres et elle a rencontré des nouvelles personnes, etc. C'est ça aussi, finalement, le capital séduction, c'est faire de ce qui est important pour nous à un moment donné. Quelque chose qu'on doit mettre en priorité dans sa vie et qui fait qu'on est peut-être différent à ce moment-là, mais qu'on rencontre aussi les personnes qui vibrent un peu sur les mêmes valeurs que nous à un moment donné, et puis c'est ça aussi. Moi, j'ai envie de demander aux auditeurs s'ils ont tendance peut-être à se faire tout petit, voyez ? Ouais. S'ils ont une différence, s'ils se sentent en effet différents quand ils sont en groupe, dans la masse, on va dire, entre guillemets, quand ils sont en société, est-ce qu'ils se font tout petits en disant « Ah, moi, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle, je ne suis pas aussi bien. » Parce que quand on dit « Je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle », c'est sous-entendu « Je ne suis pas aussi bien. Je ne peux pas aussi bien faire que lui ou que elle. Ouais. » Et donc, je vais un peu me mettre sur le côté. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Énormément. Et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'on est là. Oui. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission sur ce thème. Et c'est pour ça qu'on veut vous faire sortir un petit peu de votre tanière, de votre grotte, si vous êtes un homme. Parce qu'on sait que les hommes se retirent dans leur grotte. Donc venez vraiment nous dire quelle est votre particularité, quelle est votre différence, quelle est votre richesse. Et surtout peut-être simplement dire, voilà Sylvie, moi ma différence, je pense qu'elle est là. Est-ce que vous pourriez en faire une richesse, Julie? Oui, on peut essayer. Alors Julie, le défi du jour, abracadabra, ça rapporte combien pour Cap 48? Abracadabra, on peut essayer en tout cas, on peut essayer. Et l'objectif, il est simple, hein. C'est simplement pour vous donner de la confiance en vous. Oui, c'est simplement c'est ça. C'est toujours ça. Hein. Quelque rien part, que ça. C'est que ça. Mais aussi, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Une fois qu'on est bien avec soi-même, une fois qu'on est confiant avec soi-même, tout va beaucoup mieux. On peut abattre des montagnes. Et c'est ça un peu l'objectif du thème. On peut aller d'aujourd'hui. Très très loin. Voilà, c'est exactement ça. On se rejoint. Oui. 070 23 33 23 SMS 30 63. Peugeot Olivier. Oh yeah. Venez découvrir notre nouvelle concession Peugeot à Tubize. Peugeot Olivier vous accueille dans son vaste nouveau showroom. Chaussée-le-Monce 377 à Tubize, à 2 minutes du centre. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Vive à Bruxelles et la 3 présente L'île au trésor dans une adaptation de Thierry Janssen. Après les 3 mousquetaires, revivez une aventure extraordinaire. Un trésor, des pirates, un bateau et des personnages hauts en couleur pour toute la famille à partir de 5 ans. À voir jusqu'au 23 octobre au Théâtre Royal du Parc. 02 505 30 30 ou théâtreduparc.be avec la Libre Belgique.

Oui, j'adore Colby Kayat. Non, très chouette. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut vraiment insister là-dessus, sur le affirmer vos différences, oui, votre côté et unique. Vos particularités, votre côté unique. Côté différent, il n'y a que vous qui puissiez le ressentir. Oui. Votre côté différent, il est à vous. Oui. Mon côté différent, il est à moi. C'est même difficile parfois d'en parler. Oui. Parce que vous m'avez posé la question, oui, en antenne, Julie, en disant, c'est quoi ton côté différent, Sylvie? Question suivante. D'accord. Oui, je suis différente. Ben oui, mais après, c'est ça, on sait qu'on est différent. Oui, on sait vrai, qu'on est différent du voisin, de la maman, du papa. Mais comment le... C'est difficile, quoi, hein? Mais disons que le tout, c'est de se connaître un petit peu, hein, oui, de bien se connaître, de bien connaître ses qualités, ses talents, ses voies d'amélioration, parce que nous en avons tous aussi, n'est-ce pas? C'est de savoir les exprimer surtout. Voilà, et puis à partir de là, quelque part, tout est, voilà, c'est un peu, on tourne un peu en rond, mais c'est un peu ça, c'est se connaître pour s'appuyer ensuite sur ses ressources, ses richesses et les utiliser, les capitaliser. Pour rayonner différemment, pour être à l'aise avec ce qu'on est, avec comment on est, qui on est, et c'est que à partir de ce moment-là qu'on peut être vraiment épanoui, je pense. C'est en je étant. Je crois okay. que les auditeurs ont compris, parce que ça y est, les messages arrivent. Ah. On s'est demandé quoi, on a fait des essais en disant. Oui, oh, c'est bah, en ça, panne. Ça sonne pas, il y a pas de SMS. Bonjour, Béatrice. Allô. Oui, c'est vous, Béatrice. Je n'entends rien dans mon téléphone. Ah, ben oui, mais on a changé les téléphones, donc c'est pour ça. Visiblement, c'est pas au point. Non, les standards téléphoniques depuis la rentrée de Vivacité n'est pas au point. Donc, je demande... C'est où le bureau des réclamations? Combien amène? Vous m'entendez? Non. Je vous entends via la radio. Ah oui, c'est pas normal. Non. Non, c'est absolument pas normal. Bon, ben, ça n'est pas grave. On va faire avec. Voilà, je vais quand même vous parler via la radio. Donc, ça va? Via la radio, je vous demande, ma chère Béatrice, de parler de vos différences. Vous dites, à 54 ans, j'ai décidé de vivre pour moi, de vivre plus pour moi. J'ai pris conscience de ça. Ben oui, c'est relativement récent. J'ai décidé que mes enfants étaient grands. Ils le sont, hein, parce que j'en ai trois entre 21 et 26 ans. Donc ils le sont, mais je les considérais encore comme dépendants de moi. Et cette fois-ci, j'ai décidé que bon, il était temps de les laisser quitter le nid et comment dirais-je, s'assumer un peu plus eux-mêmes, que moi, comme je vous l'ai écrit, mon réservoir ne faisait que se vider, ne se remplissait plus à la maison. Donc j'ai besoin, comme je ne travaille pas pour le moment, d'avoir des contacts extérieurs, oui, de m'enrichir, donc en rencontrant d'autres personnes, en assistant à des concerts, voilà. Bon, déjà, quand vous exprimez, Béatrice, j'ai besoin de... Je trouve, enfin Julie, vous êtes d'accord avec moi, à mon avis, je trouve que c'est extrêmement important. À partir du moment où on exprime « j'ai besoin d'eux », donc c'est quelque part, je revendique. Parce qu'en plus, Béatrice nous dit dans son message que sa famille a du mal à la comprendre, à comprendre ce qu'elle exprime. Mais alors, quand on fait un peu un virage à, je ne sais pas si c'est 90, 180 ou 360 degrés, mais il faut que l'entourage s'habitue, hein. Il faut que le reste du système s'habitue au changement. Ça, c'est quand même important dans le cas de Béatrice. C'est que, voilà, elle a à un moment donné affirmé un changement et donc les autres ont besoin de s'habituer parce que quand on est habitué à fonctionner d'une certaine façon et à voir les autres fonctionner d'une certaine façon, parfois ça effraie un petit peu le changement et donc les autres doivent s'habituer. Donc je ne sais pas depuis combien de temps elle a entamé le processus, mais voilà, peut-être qu'il faut simplement laisser un petit peu de temps aux autres. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Béatrice, c'est que à un moment donné, elle s'est dit voilà, j'ai donné, hein, j'ai tout donné, j'ai donné. Maintenant, c'est à mon tour. J'ai vidé mon réservoir sans le remplir. Voilà, ça c'est important aussi, c'est que à un moment donné, il faut prendre conscience et ça fait aussi partie du processus quand on dit il faut prendre conscience de ses richesses, de ses qualités, de ses talents, etc. pour s'appuyer dessus, pour affirmer sa différence. Mais voilà, là, elle a clôturer une partie de vie et puis elle en a entamé une nouvelle et ça fait que c'est un petit peu différent pour elle et que donc elle va forcément attirer des gens différents. Voilà.

suivant une norme ou une autre. On est tous normaux et anormaux. Ça, c'est bien vrai. Ma norme, c'est mon naturel et mon cœur. J'étais plus le prof à l'écoute et pas sévère, et les élèves gardent un bon souvenir, pas des profs autoritaires. Je ne peux pas passer sur antenne parce que je suis occupée, dit Bruno. Ah ben, il donne cours, peut-être. Peut-être. Donc, ça veut dire qu'il s'est, il s'est différencié. Il s'est différencié. Oui. Sa norme, son naturel et son cœur. Donc, c'est vraiment son tempérament qui l'a poussé à assumer sa différence. Et à peut-être prendre un chemin que les autres ne prennent pas. Et effectivement, l'important de toute façon, c'est toujours d'être en accord avec soi et avec ses valeurs. Et à partir de là, on ne peut pas trop se planter, même si on sort des sentiers battus et même si on est en dehors de la norme. D'ailleurs, quelle norme ? C'est quoi la norme ? Qui dit ? Mais qui ? Qu'est-ce que c'est la norme ? C'est quoi ? Hein ? C'est quoi cette histoire déjà ? Qui va se lever pour dire c'est moi ? Bah oui. Donc tout ça c'est très relatif, tout ça c'est très c'est un peu des choses qui nous sont imposées et pour lesquelles on n'a pas trop notre libre arbitre, et pourtant nous avons notre libre arbitre et il est important de l'utiliser, et notamment pour s'affirmer et se différencier et se réconcilier avec soi-même. Et dans sa mission professionnelle. C'est comme ça que j'entends au niveau du message de Bruno. Donc venez nous dire si vous avez décidé d'être différent dans votre mission professionnelle, dans votre boulot. Venez prendre la parole. Autre message de Nathalie qui est au boulot, elle dit « Sylvie, le cancer du sein m'a appris à accepter mes différences et à en faire une richesse. Cela a décuplé mon respect envers les différences des autres et donné l'envie d'aider ceux qui vivent mal leurs différences. » Elle ajoute « Parfois, une épreuve douloureuse dont on s'est sorti peut aider à assumer ces différences. » Exactement. C'est beau. C'est un beau message, vraiment un très beau message. On va essayer de joindre Domi de Bruxelles, mais je pense qu'il ne peut pas intervenir. Marie aussi, qui nous a écrit un message par rapport à ces différences. Bon, les différences, on en parlera le 30 septembre à Mons, le 6 octobre à Liège. Pourquoi ? Nous organisons donc à Mons, au centre-ville, au centre RTBF de Mons, une grande journée atelier avec l'APACW, parce qu'en plus de cet atelier de 2 heures qu'on vous propose, vous serez restauré. Donc voilà, vous venez le ventre vide, on s'occupe de le remplir. Vous venez la tête vide, on s'occupe de la remplir. Vous laissez juste vos soucis, votre tracas, votre quotidien à l'entrée. On n'en veut pas. Voilà. Et vous vivrez les coulisses de la vie du bon côté en direct. Ça veut dire que vous me verrez, vous participerez à une émission en direct et vous verrez Julie, Jean-Marc Olson, Christophe Godfrio, Nathalie Van Kreynes qui était avec nous hier et Christine Alexandre. Ce seront donc toutes nos spécialistes bien-être qui seront là. Je vais vous donner un numéro de GSM, comme ça vous prenez vos renseignements quand vous le souhaitez. C'est le 0477 57 90 55. 0477 57 90 55 et le 6 octobre à Liège, tout ce beau monde reviendra pour une grande soirée conférence. Bon, on reparle de tout ça après le flash de 14h. À tout à l'heure. Nos Diables Rouges entament leur nouvelle phase qualificative pour le Mondial 2018 en Russie. Chypre-Belgique, vivez le match en direct ce mardi sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Avec ING, soutenez les Diables Rouges comme vous voulez sur ing.be/football. Une place près d'un mur, attention à ma voiture, check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 €. Nissan, innovation that excites. Offre soumise à condition. Vivacité La Une présente, ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine. Vivez un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info, journeedupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Vivacité et La Une présente, Italia Chevetogne. Le plus grand rassemblement de la communauté italienne de Belgique avec un seul maître mot, authenticité. Cet événement se déroulera les 10 et 11 septembre 2016 au domaine provincial de Chevetogne. Plus d'infos sur l'événement Facebook Italia Chevetogne 2016. Excellent après-midi à tous, il est 14h. Le Flash de 14h. Delphine Vreux, bonjour. Delphine. Bonjour. Caterpillar a parlé. Le groupe mandate sa direction belge, la direction locale, pour négocier la fin de l'usine de Gosselies. Négociation donc avec le gouvernement wallon et les syndicats, avec en face des gens qui se connaissent. Déclaration aussi de Paul Magnette, le ministre-président wallon, devant le Parlement ce matin, Parlement wallon. « Nous reprendrons le contrôle du site par expropriation ou par une autre voie », a-t-il déclaré, avant d'ajouter « c'est une promesse formelle ». L'économie est l'indice pivot qui sera normalement dépassé en août 2017 selon les estimations du Bureau fédéral du plan. Et si c'est le cas, donc, les allocations sociales et les salaires de la fonction publique seraient augmentés de 2% en septembre et en octobre 2017. Paris ouvrira son premier centre pour réfugiés à la mi-octobre dans une ancienne friche industrielle. Le bâtiment sera réservé aux hommes seuls, 400 places dans un premier temps. C'est un hébergement de transit pour n'y rester que 5 à 10 jours. Un deuxième site sera ouvert d'ici la fin de l'année, là aussi dans une ancienne usine, mais lui accueillera les femmes et les enfants. Des personnes plus vulnérables qui nécessitent un accompagnement plus important. Selon la maire de Paris, la ville prend en charge 80% de l'investissement, soit 6,5 millions d'euros au total. Depuis quelques mois, Paris voit arriver plusieurs dizaines de candidats réfugiés chaque jour et ces personnes s'installent sous les ponts ou dans les parcs. À Charleroi, ce pont du R9 fait 40 mètres. Il pèse 650 tonnes et surplombe la Sambre. Mais le pont de l'Abeille, c'est son nom, sera quand même surélevé le temps d'un chantier. L'opération débutera la semaine prochaine, mardi. Il faut remplacer les zones d'appui du pont. Elles ont vieilli. Et pour ce qui est de la technique, des vérins vont provoquer une pression et le pont sera soulevé pendant 48 heures. En tennis, quatre noms, David Goffin, Steve Darcy, Ruben Bummelmans et Yoris Delors. Ils composeront l'équipe belge de Coupe Davis du 16 au 18 septembre à Ostende, en match de barrage du groupe mondial, et l'adversaire est le Brésil. La météo, encore quelques nuages sur l'ouest, le ciel est complètement dégagé sur l'est et le sud, 25 à 26 degrés quand même. À partir de demain, que du beau temps, 23 à 27 degrés mercredi, 23 à 28 jeudi. Le point RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovier. Toujours cet accident sur l'autoroute 42 à Épinay. Oui, même si apparemment ça ne pose pas trop de problèmes, mais il serait toujours en cours. Donc j'emploie le conditionnel pour être très prudent, évidemment. C'est sur le 42 Mons-Liège, peu après Épinay, avec une bande du milieu neutralisée, ralentissement direction de Liège. Un camion est en panne sur la Nationale 4 Namur, Arlon, hauteur de Champlon. La bande droite est neutralisée en direction d'Arlon. Dans Bruxelles, maintenant, vous ralentissez dans le tunnel arrière ce centre vers le centre. Sur le ring de Bruxelles, c'est un balai, une sorcière. Si on a oublié sans doute qui pourrait vous gêner en circulation extérieure à la sortie du tunnel des Quatre Bras, la bande droite est encombrée vers Zaventem. Petit ralentissement très léger sur le ring en circulation extérieure entre Strombeek-Bever et Jette vers Grand-Billard. Ralentissement sur le 40 Bruxelles, Aix-la-Chapelle à hauteur de Charade, dans le chantier évidemment. C'est vers l'Allemagne que vous ralentissez entre Votem et Charade, vous perdez 25 minutes. Et puis 10 minutes perdues également au poste frontière vers la France sur le 17 Gand-Lille à partir de Halbeek. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on va retrouver Sylvie Honoré, la vie du bon côté. Merci Delphine, l'info revient, elle, à 15h. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Beau vélo de Ravel. En effet, petite parenthèse dans cette émission, le beau vélo de Ravel qui fait parler de lui, bien sûr, chaque semaine, qui assume sa différence. Voilà. Depuis presque 20 ans maintenant, c'est un événement majeur en Wallonie et à Bruxelles. Et personne ne fait pareil. Voilà. Vous connaissez peut-être déjà le système P+R pour les voitures. Et bien, ce système donc permet aux automobilistes de se garer dans un parking situé un peu en dehors de la ville et d'en rejoindre le centre grâce à un bus. Ce genre de système pratique existe également dans certaines régions pour les cyclistes. C'est ce que nous explique tout de suite Adrien et son invité Alice Gobier. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Si vous revenez de longues vacances à l'étranger, c'est peut-être l'occasion de vous rappeler que 2016, c'est l'année du vélo. La thématique du vélotourisme mise à l'honneur par la Wallonie. Alice Gobier, bonjour. Bonjour Adrien. Et oui, en fait, cette année, le ministre du Tourisme a décidé que la Wallonie à vélo, ce serait le thème touristique pour toute l'année 2016. Voilà, on va promouvoir la Wallonie au travers du vélotourisme. Et en Wallonie, on a clairement un beau potentiel pour pratiquer le vélo, puisqu'on a non seulement 1500 km d'itinéraire de longue distance, mais aussi 1300 km de Ravel et de Pré-Ravel, et 263 circuits de VTT et VTC qui sont reconnus. Donc c'est vraiment une belle infrastructure que les gens peuvent découvrir de manière régulière, grâce à des balades qui vont être organisées sur le même système que les points verts. Donc c'est un système qui est déjà bien connu, parfois que certains appellent toujours les marches adeptes. Et ici, cette année, on va lancer les points jaunes, qui seront donc des circuits organisés et balisés dans toute la Wallonie, avec différentes distances à parcourir. Et là, on pense vraiment qu'il y a une demande pour ce type d'événement et que ça va plaire aux cyclistes, surtout les plus sportifs. Et oui, les points jaunes comme le maillot. Et pour les cyclotouristes, on a de plus en plus de balisages qui se mettent en place sur la Wallonie. Oui, maintenant on a des panneaux qui vous dirigent sur le Ravel. On a aussi différents circuits touristiques qui sont développés dans certaines régions, des balades thématiques et surtout le réseau des points nœuds qui totalise maintenant 3200 km de balisés. Et ces fameux points nœuds qui sont d'ailleurs très présents en Flandre, les Knooppunt, il y en a maintenant un peu partout en Wallonie. Donc le système s'installe très progressivement, mais un peu partout sur le territoire. On va par exemple avoir plus de 350 km d'itinéraire dans les cantons de l'Est, mais aussi dans le pays de Famenne. En Wallonie-Picarde, on a 1600 km d'itinéraire balisé de Comines-Warneton à Bernissart, le long de la France, mais aussi jusqu'en Guyen. Au Pays de Chimay et dans l'Entre-Sambre et Meuse, vous trouverez également 350 km d'itinéraires balisés. Et ici, dans la province de Liège, où nous serons samedi, c'est la Basse-Meuse qui est en partie équipée de points nœuds et le réseau tend à s'élargir dans le futur. On aura d'ailleurs samedi sur la scène du beau vélo de Ravel une autre Alice Gobier, ce sera Alice on the Roof, qui chantera avec l'Orchestre Philharmonique de Liège, l'Opéra Royal de Wallonie. Ce sera un très très beau concert en clôture à l'opération Debout Citoyen. À samedi. À samedi. Et je serai là aussi. Merci Adrien, merci Alice Gobier. Mais avant cela, on vous retrouve également demain, même heure, pour une nouvelle séquence concernant le beau vélo de Ravel. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. La vie du bon côté plus que jamais. Plus que jamais parce qu'on assume nos différences. On assume nos différences, on assume ce que nous sommes, on assume ce côté particulier, unique que nous avons. Oui. Jamais nous ne serons le même, jamais nous serons la même que l'autre. Non, et jamais. Combien de fois, je réfléchissais à ça pendant le journal, combien de fois j'entends en consulte ou en atelier « mais je ne suis pas comme ça, je ne suis pas assez comme ci, ben et oui. Je voudrais bien être comme ça. Ben » Oui, mais et sinon, vous êtes quoi ? Hein, tout ce que vous avez d'autre, il faut arrêter de tout ce que vous n'êtes pas. Tout ce que vous n'êtes pas, on a compris. On mais tout ce que vous êtes. On s'en fout de mais tout ce qu'on n'est pas. Ce qui est important, c'est tout ce qu'on est. Ouais. Et c'est ça qu'il faut développer et pas espérer devenir quelqu'un qu'on n'est pas finalement. Absolument. Absolument. Assumons nos différences. Ensemble, même si on est différent. On est vraiment parti de ça, de ce slogan de Cap 48 pour mettre sur pied nos deux journées, parce qu'on s'est dit vraiment que ça allait toucher beaucoup beaucoup de personnes. Oui. Julie, voilà. Oui, et évidemment l'opération vise à récolter des fonds et on s'est fixé un objectif qu'on n'ose même pas prononcer tout haut. Beaucoup beaucoup. Et qui hein. nous donne des nuits blanches à Sylvie et moi. Ce qui est bien, c'est que c'est décalé, c'est-à-dire que quand c'est elle, c'est moi qui prends la relève et inversement. Donc oui, ça, c'est on ça met une synchro. Co-organisation. Exactement. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés. Je crois qu'il faut, c'est important de le dire. J'en profite que je suis là hein, pour faire ça. C'est moi en fait qui vous répond quand vous vous inscrivez. C'est moi qui vous envoie un mail ou qui vous envoie un SMS. Mais n'ayez moi, je suis pas au courant peur. De tout. Voilà. Évidemment, Sylvie est au courant de tout, mais elle gère bien d'autres choses comme la logistique et des choses comme ça qu'il faut aussi gérer. Donc c'est moi qui vous répond. Ne soyez pas étonnés. Vérifiez éventuellement vos spams si vous avez envoyé des mails et que vous n'avez pas de nouvelles, parce que je vous jure que je suis. Oui, c'est vrai. Au taquet, au taquet, matin, midi, soir, la nuit, tout le temps, pour Cap... je vis Cap 48, c'est je vrai dors, ce que vous dites. Enfin, je ne dors plus, Cap 48. Donc voilà, n'ayez pas peur si vous recevez un mail de moi, je ne mords pas, c'est juste que c'est moi qui fais suite aux inscriptions. Mais vous faites bien de le dire, vous savez pourquoi, hein, je vous l'ai dit, vous êtes dans mes courriers indésirables. Mais oui. Depuis trois jours, je ne sais même pas pourquoi. Ah, ça continue. Ah non, ça continue. Quand j'ai un courrier indésirable, je sais que c'est vous. Ah non, mais c'est vrai. Je sais pas comment. Donc vous voyez, même il y a des choses qu'on ne s'explique pas. Non. On ne s'explique pas. Voilà. Donc, Sylvie a donné un numéro de téléphone, là, il y a quelques minutes. Oui, il vaut mieux. C'est celui-là, c'est le il mien aussi, c'est moi aussi qui vous réponds, et ça, quand même, c'est sympa. C'est son numéro, moi, donc la réveillez pas. Avoir une conversation elle, avec moi, elle c'est va se coucher à 8h du soir, et elle se lève à 9h du matin. Donc, c'est entre ça. 8h et 9h du matin, ne l'appelez pas, s'il vous plaît. Appelez-moi, moi. Non, ne m'appelez pas non plus, envoyez-moi un email. Je vais redonner son numéro de téléphone, 0477 57 90 55, 0477 57 90 55. Et là, sa maman se dit, mais c'est pas vrai qu'elle donne son numéro. J'assume, maman Arcoulin, j'assume. Je prends la responsabilité. C'est ça. Donc, nous organisons cette journée, on insiste, mais c'est vrai qu'il nous reste peu de temps vraiment pour remplir. Donc, on vous serait des groupes de 30 personnes. Ça aussi, on veut vraiment 25 à 30 personnes, c'est suffisant. Le matin et l'après-midi, le 30 septembre à Mons, le 6 octobre à Liège. Grâce, ça c'est à Liège, c'est une conférence. Donc là, oui. Vous pourrez être 100 au moins 150. Grâce à l'APACW, nous vous restaurons avec des producteurs locaux. Vous n'aurez pas non plus des trucs en boîte. Ça, je peux vous assurer que vous aurez... Ah non, vous aurez des trucs directement en provenance du producteur avec lequel on travaille, que ce soit pour le petit déjeuner, comme pour le catering du midi ou le verre de clôture restauration du soir. Et pour le 6 octobre à Liège, vous aurez en plus une visite du musée de la Beauvrie gratuite. C'est 17€ la personne. Hein. Et nous, on vous demande 48€ au profit de Cap 48 pour la conférence, la visite du musée de la Beauvrie, la restauration, l'émission en direct. Bon, ça, c'est gratos, hein, ça, c'est cadeau. Enfin, on a quand même besoin demain... Et Jessica. Et le concert de Jessica, voilà, qui est une personne aveugle qui nous accompagne souvent sur le Beauvau de Dravel et qui a une voix exceptionnelle. Mais on a quand même besoin de bénévoles aussi pour mettre toutes les chaises et tous les manches debout, hein, parce qu'on n'a pas envie quand même de vous laisser là. Donc voilà, 48€. Vous nous envoyez un email, surtout quand vous payez, quand vous faites un versement, vous me dites qui vous êtes. Parce que si vous faites un versement et que vous ne me dites pas qui vous êtes, j'ai du mal à vous retrouver, à retrouver vos coordonnées. 0477 57 90 55 ou via le mail lavieduboncote@rtbf.be. Comme ça, vous pouvez nous écrire quand vous le souhaitez. Avant le 30 septembre, si possible, pour qu'on puisse organiser nos groupes. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, a dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? vivacité. On a des chouettes messages. Allez, je lis celui-ci. Mon fauteuil roulant, Sylvie, éloigne tout le monde. Alors que j'ai gardé toute ma personnalité qui m'a toujours attiré une foule de gens avant. Comment assumer ma sociabilité dans ces conditions et malgré mes perches tendues ? C'est beau ça. Oui. J'ai envie de vous appeler. Vous ne voulez pas nous donner. Bah, vous ne dites pas de prénom. Message anonyme. Donc, j'ai vraiment envie de vous écouter. J'ai vraiment envie de vous écouter parler de ça. Voilà. Bah oui. Parce oui, c'est ça, ce c'est, genre de message qui sont interpellants, évidemment. Ouais. Ou alors, on a aussi le message de Christian de Malmedy. Il nous dit « À 11 ans, je portais les cheveux longs. Mon père enragé, les profs me brimaient. 5 ans après, tout le monde portait des cheveux longs. J'avais raison trop tôt. » Dit Christian, j'aime bien aussi ce message. Voilà. Et on aura peut-être Anne dans quelques instants, on insiste, parce que Anne, on l'a obligée à être un homme toute sa vie. Et ça aussi, c'est un message important. Voilà. Assumer les différences, on a des messages forts, c'est tant mieux. 070 23 33 23, SMS 30 63. Le garage Le Sage de Watermal Boisfort est heureux de vous annoncer l'arrivée de la nouvelle Baleno, la citadine de chez Suzuki, qui vous fera voir du pays grâce à son nouveau moteur turbo de 1000 cm3. La nouvelle Baleno à découvrir au garage Le Sage lors des journées portes ouvertes le week-end des 9, 10 et 11 septembre. Garage Suzuki Le Sage, chaussée de la Hulpe 225 à Watermal Boisfort. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Vivacité Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Là, je cours pour ma forme. Un chouette programme organisé par ma commune pour tous ceux qui, comme moi, n'ont jamais couru. On se réunit chaque semaine avec un animateur. Après 3 mois, on est capable de courir 5 km et même plus. Renseignez-vous vite auprès de votre commune ou sur le site jecourspourmaforme.com. Une initiative du magazine Zatopek avec le soutien de Vivacité. Après le match raté contre l'Espagne ce mardi soir à Chypre, les Diables Rouges doivent vaincre pour convaincre. Dès 19h, David Oudrey, Pascal Chimé, Nordin Jbari vous donnent la parole sur cette rentrée complètement foot. Et à 20h45, vivez Chypre, Belgique, le premier match de qualification de nos Diables pour la Coupe du Monde 2018 avec Thierry Luthers et Manuel Jousse en direct de Nicosie. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Avec Julie Arcoulin, spécialiste en développement personnel et relationnel. Vous avez un livre qui va bientôt arriver, vous, Julie. Ah, oh, ben alors ne m'en parlez pas, je l'attends. C'est votre différence du mois de septembre. Oui, c'est ça, c'est comme ça que je me démarque au mois de septembre. Il y a un livre sur les parents manipulateurs pervers narcissiques qui sort le 15 septembre. J'attends mes exemplaires en avant-première avec impatience. C'est un sujet que vous maîtrisez tellement bien. En plus, j'adore la couverture avec ce nounours. Oui, c'est vrai, je l'ai diffusé sur Facebook, effectivement, et des conférences sur le sujet, notamment le 16 septembre à Namur, le 17 septembre un atelier aussi, comment protéger ses enfants quand on est le parent sain et qu'on a fait un enfant avec un manipulateur, ça peut toujours servir. Le 21 septembre à Charleroi, conférence aussi, et le 29 à Mons, la veille du 30. La veille du 30, vous serez à Mons pendant 2 jours. On va faire d'une pierre 2 coups, on dort à Mons, on fait tout à Mons. Et on n'arrête pas de se voir parce que voilà. Du 14 au 21 avril, vous serez avec moi dans le bateau dans de le la bateau. Croisière, la vie du bon côté, vallée du Douro, Portugal. Exactement, c'est une année orange pour moi, aux vous couleurs de vivacité. Vous pensez pas qu'on a des choses à vivre ensemble ? Ah bah si, bah c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on est là. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on le fait. Il y a des choses comme ça, On s'explique pas. Non. Voilà, on devait vivre des choses ensemble. Anne, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'accepter de témoigner. Vous m'entendez? Vous nous entendez, Anne? Oui, je vous entends. Bon, j'adore votre message. Donc déjà, quel courage de prendre la parole devant tout le monde. Oui, bonjour. Donc, moi, je me permets de vous interpeller parce que, comme je l'ai dit à la dame que j'ai eue au départ, on m'a obligé d'être garçon toute ma vie. Et toute ma vie, j'ai dû subir cette oppression. Oppression parce qu'en moi, il n'y avait rien. Je n'avais aucune virilité, je n'avais aucune envie d'être comme un garçon. J'avais plutôt, déjà petite, j'avais envie de m'habiller comme une fille. J'ai toujours réagi plus et j'étais toujours plus en compagnie de filles que de garçons. Je ne me suis jamais senti, comment vais-je dire, libre quand je suis auprès d'hommes. Et toute ma vie, j'ai dû, malgré ma profession que j'ai fait en tant qu'homme, j'ai dû accepter ça. Et à un moment, j'ai dit non, je ne veux plus. J'ai envie de vivre ma vie, celle que je ressens, celle que j'aurais dû vivre dès l'âge de 6 ans. Et c'est ainsi que j'ai décidé de repartir, de refaire une nouvelle vie. Je vous le dis, j'ai 60 ans et je refais ma vie comme si j'avais 16 ans. Oh. Ça me touche, votre message. Comment vais-je dire ? Bien sûr, c'est quelque chose de bien précis, mais j'en ai fait part, je suis suivi par une endocrinologue, je suis suivi par une psychologue, et toutes ces personnes m'ont dit, mais c'est formidable. Formidable de pouvoir vous dire, allez, même à cet âge-là, de pouvoir dire on recommence à zéro et on ne se préoccupe plus du qu'en dira-t-on, de que vont penser les autres. Non, non, c'est fini. Je n'admets pas, c'est un petit peu la même chose que celui à l'époque, juste après-guerre, où on interdisait celui qui était gaucher d'écrire à la main gauche. On obligeait les gens d'écrire à la main droite. Et pourquoi ? De quelle raison ? Pourquoi obliger les gens à faire quelque chose qu'on n'est pas en soi ? Est-ce que vous avez des gens qui vous soutiennent ? C'est surtout ça. Entourez-vous de gens qui vous soutiennent. Il y en a, oui. Comme on l'a dit tantôt, une auditrice, je crois, j'ouvre un nouveau cercle d'amis et de connaissances. Et je crois que ça, c'est important. Ah oui. C'est important. Vous permettez une minute? Oui. Vous êtes occupé. Vous savez quoi? Ne raccrochez pas parce qu'on n'a pas fini de converser avec vous. Je vais juste dire bonjour à Christian. Christian, bonjour. Oui, bonjour. Christian, vous êtes à Malmedy. Vous parlez de votre look. À 11 ans, c'est vous qui avez écrit ça, hein? 11 ans, vous portiez les cheveux longs. Votre père enragé, les profs vous brimaient. Et 5 ans après, vous vous êtes rendu compte que tout le monde portait les cheveux longs. Oui, bon. Le premier qui a enragé, évidemment, c'était mon père. Ma mère, ça passait, il n'y avait pas de problème. Pourtant, ma mère avait 10 ans plus que mon père, mais elle était plus avancée que lui. Mais j'avais surtout ma sœur qui avait 5 ans plus que moi, qui elle aussi était toujours pour me pousser derrière. Elle avait les cheveux longs ou les cheveux courts, votre sœur, parce que... Non, elle avait les cheveux longs aussi. Mais elle trouvait tout à fait normal... qu'un garçon portait cheveux longs, c'était pas choquant, quoi. C'est vrai qu'à cette époque-là, si vous n'aviez pas la nuque rasée et le tour d'oreille, c'était... dans la classe, j'étais le seul à avoir les cheveux longs, quoi. Ça a sujet sa différence, hein. Ah oui, aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, j'ai toujours les cheveux longs. J'ai dû faire un intermède, malheureusement, pendant le temps de mon service militaire, mais là, je n'avais pas le choix. Ah oui. Donc, vous assumez encore et toujours votre différence. Avec vos cheveux longs. Génial. Oui, mais quoi qu'aujourd'hui, ce n'est plus une différence. Oui, c'est vrai. C'est moins compliqué aujourd'hui, à mon avis. Aujourd'hui, on ne regarde plus la longueur de vos cheveux. C'est vrai. Qui a dit que les hommes devaient avoir des cheveux courts? Qui Quel est l'hurluberlu qui a annoncé ça, qui décidait ça? Oui, les hommes, ça a les cheveux courts, les hommes, ça porte des pantalons. Mais c'est qui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, merci Christian. Anne, on va encore converser avec elle. Oui. J'ai pas fini de l'entendre. Je sens que c'est tellement profond ce qu'elle a envie de nous dire. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir aujourd'hui, vous inscrire pour la journée du 30 septembre à Mons, pour le 6 octobre à Liège, ou m'envoyer un email, la vie du bon côté en un mot, @rtbf.be. Beau ça, Moby sur Vivacité, bien, bien ça. J'aime oui, bien. Très bien. J'aime bien. Je vis différemment des autres, Sylvie, à cause de ma maladie que j'ai bien du mal à assumer, c'est la maladie de Crohn, manger et cauchemar, on va aux toilettes constamment, avec cette fameuse phrase, tu as la chiasse. C'est une gêne de tous les jours, que peu de personnes prennent conscience, voilà le message que nous recevons. Pourquoi pas faire un peu d'humour autour de ça quand quelqu'un vous fait ce genre de commentaire. Moi, je pense que l'humour est une bonne réponse. Jamais à l'idée de dire un truc pareil. Mais je pense que l'humour est souvent une très bonne réponse dans ce genre de cas et un très bon remède. Voilà, j'ai dit. Oui, c'est bien. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je pense que sur n'importe quelle différence, d'ailleurs sur n'importe quel moment un peu embarrassant ou situation un peu embarrassante, l'humour, c'est un bon allié. Oui. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous vous sentez concerné par votre différence, mais bien sûr que vous vous sentez concerné puisque vous l'avez votre différence, vous l'avez, vous n'en êtes pas, peut-être pas encore conscient, non. Vous l'assumez pas encore peut-être pleinement, mais vous l'avez. Et c'est difficile de s'affirmer différent dans une société qui veut nous conformer absolument. À un tas de normes. Donc il faut éveiller les consciences. Ça c'est vrai, il faut énormément de courage pour pouvoir se positionner différent dans la société d'aujourd'hui. 30, 63, 50 centimes par message. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Sévère. Eh oh, Sévère. Quoi? Sévère, je te dis. Ben voilà, c'est rouge. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. L'été n'est pas fini, mais c'est maintenant qu'il faut préparer l'hiver. Chez Williams, nous vous offrons des prix fous sur tous nos châssis, portes et portes de garage. Williams, la vie du bon côté. Les prix fou Williams, c'est jusqu'au 30 septembre et c'est pour votre bien-être. Plus d'infos au 02 374 3006 ou sur châssiswilliams.be. La 2 en télé. Je vois, il veut qu'on pirate le système de climatisation de Steel Mountain. C'est bien joli tout ça, mais encore faudrait-il pouvoir entrer dans leur bunker. Portail en acier de 3 tonnes. Surveillance armée 24 heures sur 24. Tu veux pas le faire exploser finalement? Mister Robot. De nouveaux épisodes, ce mercredi, sur la 2. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Invité exceptionnel de cette 191e édition, la Grande Roue de Paris pour découvrir Anderlecht autrement. Ce 13 septembre, c'est la fête Anderlecht. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Julie Arcoulin, spécialiste en développement personnel et relationnel. Je vais mettre votre site internet sur la page Facebook. Hein. J'ai ah pas bah encore oui. fait. Et puis pour ceux qui n'ont pas Facebook, parce qu'on les oublie, oui, ceux qui n'ont vrai. Pas Facebook, c'est juliearcoulin.com. Oui, au niveau de votre site internet. C'est très simple. Et votre numéro, je n'ai pas arrêté de le donner. D'ailleurs, je vais le donner. Allez-y. Hein. Allez. 0477, je finis par le connaître par cœur, 57 90 55. Si je vous donne son numéro de téléphone, ce n'est pas pour la séduire, hein. Non, non. Bien que, pourquoi pas. Mais c'est surtout pour prendre des renseignements concernant notre journée du 30 septembre à Mons, journée d'atelier bien-être, 2 heures d'atelier, plus petit déjeuner si vous choisissez la formule du matin, plus petite restauration le midi, plus émission en direct l'après-midi. Et si vous choisissez la formule de l'après-midi, vous arrivez à 12h30, vous commencez par la petite restauration, la petite émission en direct, la grande émission en direct. En public, surtout. L'atelier de bien-être de l'après-midi et le verre de clôture. Voilà, soit le matin, soit l'après-midi. Comme ça, vous pouvez bien sûr choisir la formule qui vous convient. Au profit de Cap 48. Tout au profit de Cap 48. 48 euros. Cap 48 euros. Voilà, on a délimité, défini ce montant-là. Et puis ensuite, si vous souhaitez nous rejoindre à Liège, là, c'est en soirée. Donc, vous venez... Pareil, 12h30, vous avez l'émission en direct, vous avez la visite du musée de la Bovry, et merci au musée de la Bovry de nous donner la gratuité évidemment des visites. Vous avez le catering du soir avec le concert de Jessica, et vous avez la conférence avec 4 spécialistes. Et comment qu'on fait pour avoir les infos? On appelle Julie, on s'inscrit par mail, laviedubonkote@rtbf.be, on envoie un SMS pendant l'émission s'il vous plaît, parce que je ne regarde pas tout le temps après, une fois 15h, voilà, moi je fais autre chose, je reviens plus voir les SMS, donc vraiment pendant l'émission, ou 070 23 33 23. Bonjour, qui est là? Bonjour, c'est Julie. Julie. Ah oui, voilà. Ah ben, Julie. Bonjour Julie. Julie, c'est quel vous joli qui, prénom. C'est vous qui nous avez bonjour envoyé Julie. Un message, Julie, en disant je vis différemment des autres à cause. Non, vous nous avez envoyé quel message, Julie? Le fauteuil roulant. Le fauteuil roulant, c'est vous, Julie. Mon fauteuil roulant éloigne tout le monde, alors que j'ai gardé toute ma personnalité qui m'a attiré toujours une foule de gens avant. On a été fort touchés de ce message. Julie, vous avez raison de vous inscrire dans cette thématique d'aujourd'hui. Comment vous faites alors pour leur dire « mais je suis toujours la même, hein, moi ?» Mais écoutez, je prends des initiatives moi-même que je ne prenais jamais avant. Parce qu'avant, c'était toujours les autres qui me téléphonaient, qui m'invitaient, j'avais une foule de connaissances un peu partout. Je connaissais tout le monde me connaissait. Et puis maintenant que je suis en fauteuil roulant, tout ça c'est fini. Alors c'est moi qui prends des initiatives. De temps en temps, j'invite quelqu'un au resto, mais il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Je me retrouve à une fête de fin de prise de retraite avec des gens que j'ai eu comme amis avant. Ils n'osent même pas venir près de moi à mon fauteuil roulant. À mon avis, ils ne savent pas quoi me dire. Ça fait combien de temps que vous êtes en fauteuil roulant ? Maintenant, ça fait 13 ans. Mais j'avais vraiment une vie sociale mais fantastique et professionnelle aussi. Mais sur le plan social, j'étais connue pour... je faisais 3 pas dans la rue, je rencontrais 5 personnes. Quoi. Et maintenant, je suis complètement isolée. Il y a 2 choses que j'ai envie de vous dire. La première, c'est est-ce que vous êtes OK avec ce fauteuil roulant ? Est-ce que moi, je suis OK ? Oui. Est-ce que vous avez accepté ? Est-ce que vous avez fait le travail qu'il fallait pour... Oui, au départ, je ne voulais absolument pas. Ben non, j'imagine bien. Étant donné, évidemment, ma vie tellement active, pour moi, ça a été exclu pendant tout un temps. Maintenant, j'y suis. OK, parce que souvent, si vous voulez, les autres et les relations qu'on a avec les autres nous renvoient... la relation qu'on a avec soi-même. Donc voilà, je ne sais pas si c'est votre cas, peut-être interrogez-vous par rapport à ça. Et la deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est effectivement, je pense que c'est difficile pour l'entourage et pour les personnes que vous côtoyez, à mon avis, de savoir comment faire, quoi dire, comment se positionner, quoi faire, machin. Je pense que c'est difficile. Alors, je ne veux pas du tout, évidemment, dire que c'est plus difficile pour eux. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Mais je pense que dans ces cas-là, la meilleure façon de procéder, c'est de dialoguer et de les interpeller et de dire « Mais les gars, moi, je suis toujours la même qu'avant, j'ai pas changé, je veux toujours autant m'amuser, avoir une vie sociale et ne me laisser pas de côté, ça n'a pas changé. C'est un petit peu plus compliqué pour me transporter et pour voilà. Oui, mais ouais. Je suis la même, je n'ai pas changé. Peut-être que leur dire, alors j'espère que certains d'entre eux écoutent et que le message passera de cette façon aussi, mais peut-être que simplement leur dire de nouveau avec un peu d'humour et de légèreté, ça rend sensible certains, parce que c'est vrai que c'est pas facile de savoir quoi faire, quoi dire, comment se comporter. Quand on est face à quelqu'un porteur de handicap, je l'ai vécu moi-même et c'est vrai que voilà, parfois on se dit mince, qu'est-ce que je dois faire pour bien faire ? J'ai pas envie d'être différente qu'avant, mais en même temps, il y a des choses différentes, il y a des enfin voilà, c'est con, mais il y a parfois des phrases qu'on dit et on se sent très, très maladroit, notamment face à quelqu'un en fauteuil roulant, quand on lui dit ça roule, pour lui demander comment ça va, on s'en veut, quoi. Mais voilà, et je pense que du coup, ça paralyse un peu et ça refroidit les relations et c'est dommage. Et donc, je pense qu'en disant simplement « Ouh, je suis toujours la même, j'ai toujours autant envie de m'amuser, même si, voilà, je suis en 4 roues et plus à 2 jambes, ne m'oubliez pas et continuez à m'aimer et j'ai pas changé, ce que je suis n'a pas changé », je crois que ça vaut le coup d'essayer. C'est chouette ce que vous dites avec humour. Parce que on a reçu un message, et là aussi je m'adresse à notre auditrice, difficile à glisser à l'antenne Sylvie, ben non, vous voyez que je le fais, mais en parlant d'humour, un de mes amis au tennis de table avait la moitié du bras en moins, et un jour, voyant une jolie fille en face de lui, embarrassé par son handicap, il lui a dit « Ce que Dieu m'a pris d'un côté, il me l'a rendu de l'autre. » C'est vrai. C'est vrai. Et bon, tout à fait à une moindre échelle, mais moi je suis sourde de l'oreille gauche et mon ORL est toujours, me dit toujours « Mais Julie, votre oreille droite, c'est incroyable, j'y crois presque pas, quoi, tellement elle s'est développée. » Et donc c'est vrai que voilà, ça c'est... Bon, alors moi, c'est vraiment rien du tout. Une oreille sourde, je vais très bien. Et ça ne se voit pas, donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, on peut le tourner avec humour et c'est vrai que la nature compense bien. 0470 23 33 23 SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir aujourd'hui dans l'émission en écoutant Maître Gims. Et si vous allez peut-être être conscient de votre différence en disant moi aussi je vais la dire haut et fort ma différence, c'est ma façon à moi de l'assumer. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras, dans tes bras. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et j'ai tenté de te haïr, mais la colère est partie. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. Aïe, sans se lancer un regard, je ne sais quoi dire quand on fait la remarque, notre entourage tente de nous raisonner, raisonner, je pense qu'il est temps de se retrouver, retrouver. Gims et Sia avec Je te pardonne. Encore une fois, si vous souhaitez assister à nos journées, soirées d'ateliers, conférences au profit de Cap 48, n'oubliez pas de vous inscrire vraiment, vraiment, vraiment, parce qu'on va limiter les groupes. En plus, plus vous vous inscrivez tôt, plus vous choisissez votre groupe. Parce qu'une fois que le groupe est rempli, ben voilà, vous devez aller dans un autre groupe. Et donc, nous aurons quatre intervenants de talent, des spécialistes que j'ai l'occasion de recevoir très, très souvent en émission. Christophe Godfrio, qui parlera, lui, plutôt de la confiance en soi. Mm-hmm. Christine Alexandre, qui parlera de la différence en général et du comment l'assumer. Vous, c'est surtout la différence au niveau capital séduction, mm-hmm. au niveau rayonnement. Et Jean-Marc Colson, lui, affirmera plutôt d'assumer sa différence plutôt verbalement. Comment communiquer sur sa différence. Donc voilà, finalement, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Oui. Égale 4 égale 1, parce que tout se rejoint. Mais voilà, on vous demande de choisir parmi tous ces groupes. Donc 0477 57 90 55. Encore une fois, si vous prenez l'atelier le 30 septembre à Monge, puisque la conférence du 6 octobre à Liège, ce sera à Médiacité. Attention, Médiacité, ce sera avec tout le monde. Voilà, tout le monde sera là pour une grande conférence. Bon, nous avons deux auditeurs dans quelques instants. Bernadette qui va s'exprimer par rapport à ses cheveux. Vous voyez quand je dis de l'humour, ses cheveux. Depuis 9 ans, Elle souffre d'alopécie et donc elle va nous dire comment elle vit ça. Et puis Christelle qui viendra nous parler de la maladie de Crohn. J'ai lu le message sur antenne, donc là aussi elle nous dira un peu comment on vit ça, comment on vit cette différence et comment on l'assume. 30 63 si vous souhaitez intervenir. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Vous avez raté un ou plusieurs épisodes de la deuxième saison de la web-série Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez vos épisodes où, quand et comme vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Space X Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spacexhours.com. Excusez-moi, la Peugeot 308, là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça ? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique, elle a aussi l'eye cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Portes ouvertes ce week-end, dimanche compris. Offre soumise à condition. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Croire en son capital séduction en prenant conscience de ses richesses. Sa différence, et si notre différence était notre richesse, dans le sens évidemment d'une richesse pour rebondir, d'une richesse pour peut-être mettre en avant d'autres choses, d'une richesse pour s'affirmer davantage. Pour se réconcilier avec soi-même. Pour se réconcilier avec soi-même. Ou se concilier tout court d'ailleurs. Ou de concilier tout, absolument, absolument. Bernadette, c'est à vous qu'on s'adresse, bonjour. Bonjour Bernadette. Vous souffrez d'alopécie depuis l'âge de 9 ans, donc une perte de cheveux. Vous êtes carrément chauve, Bernadette ? Oui, tout à fait chauve, mais ça fait 9 ans, donc j'ai perdu mes cheveux à 48 ans. Ah, depuis 9 ans, oui, je dis depuis l'âge de 9 ans. Depuis 9 ans, excusez-moi. Depuis 9 ans, donc vous avez perdu vos cheveux, voilà, depuis cette... En 3 mois de temps. En 3 mois de temps. Oui. Oh là là. Oui, tout est tombé, donc je me suis retrouvée... dans le désarroi, on ne sait plus comment on doit vivre, on ne sait plus comment on doit être, paraître. La séduction, c'est fini, on n'y pense même plus. Et puis, à un moment donné, on se dit, bon, ben, voilà, il faut vivre avec, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça ne changera pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Et moi, j'ai choisi de ne pas me cacher derrière une perruque, de rester moi-même. J'étais comme ça. Et puis, je me suis fait un petit look, bien à moi. Je suis un peu plus coquette qu'avant, mais je mets ma coquetterie dans d'autres choses. Et puis, voilà. Maintenant, je vis comme ça. Et parfois, je me demande pourquoi on me regarde. J'oublie que j'ai de cheveux. Et je dis, mais pourquoi ils me regardent comme ça, celui-là ? Et voilà, parce que j'ai décidé de mettre ça, pas entre parenthèses, mais de l'affirmer. Oui, c'est ça. Bon, voilà. De l'affirmer et d'être forte. Avec ça. Eh ben, c'est ce que je voulais dire aussi à Anne tout à l'heure, mais qu'on a perdu en cours de route, c'est que finalement, je suis sûre que l'un comme l'autre, où c'est quand même des choses plus, plus marquée et plus marquante comme différence physique, c'est que je suis sûre que l'un comme l'autre, ils nous diraient que leur vie s'en est trouvée bien meilleure le jour où ils ont accepté ce qu'ils étaient et où ils ont affirmé justement cette différence. Et que tant qu'on se cache et que on veut se conformer à la norme, alors encore une fois, la norme c'est quoi? Qui dit que la norme c'est d'avoir des cheveux? Ou enfin voilà, hein, on peut jouer à ça longtemps. Je pense que vraiment le jour où ils se sont dit ok, je suis comme ça, je l'accepte, leur rayonnement a changé, parce que quand on est en accord avec soi-même et quand on est réconcilier ou concilier tout court, si on n'a jamais été en dispute avec soi-même, c'est vraiment le début de quelque chose de plus serein et d'un épanouissement plus profond que si on doit lutter avec soi et qu'on veut étouffer ce qu'on est finalement. Physiquement, personnellement, intellectuellement, relationnellement, émotionnellement, c'est vraiment les différences dans leur globalité, hein, c'est pas que physique. Tout à fait. Merci d'avoir témoigné par rapport à ça, Bernadette. Christelle, bonjour, bienvenue Christelle. Bonjour. C'est vous qui souffrez de la maladie de Crohn. Oui, exactement. Quand j'ai lu votre message, nous avons reçu d'autres messages, notamment celui de Christelle, elle a 30 ans, elle est à Ytres, elle dit « Avec cette maladie de Crohn, Sylvie, beaucoup de personnes pensent qu'on est contagieux. » Et ce n'est pas le cas. La plupart des personnes nous jugent comme malades imaginaires, surtout au travail, car on a des traitements lourds comme immunosuppresseurs. Mmh. Voilà, dit-elle Christelle. Oui, ben oui, c'est une maladie que j'ai appris récemment, début de cette année. À mon avis, je la couvrais depuis pas mal de temps. Ça engendre dans mon quotidien pas mal de choses. Je vais régulièrement aux toilettes, donc les gens ça ne comprennent pas non plus, surtout dans le milieu du travail, que je suis caissière, il faut le savoir. Donc c'est pas toujours évident non plus de se faire remplacer. Et alors, les coups de fatigue, bon, on prend des immunosuppresseurs. Donc il faut savoir que la maladie de Crohn, c'est une maladie, ben, les immunités qui sont trop fortes, qui repousse nos intestins, qui rejette notre intestin et tout le système digestif. Donc, ce qui est fait, qu'on prend des immunosuppresseurs, donc on est régulièrement malade, qui dit souvent malade imaginaire, parce qu'on peut aller très bien et le lendemain être ramassé, des fatigues, et pas reconnu aussi également, ben, dans des mutuelles, etc. Très, très difficile, c'est une maladie dite orpheline encore à l'heure actuelle. Mmh. Et pourtant, on est de plus en plus, parce que je fais partie d'une ASBL, on est de plus en plus à l'avoir. Et pour essayer d'en assumer, ben, j'essaie d'en parler un maximum à mon entourage. Niveau affectif, ben, ça m'apporte que je suis célibataire depuis plus d'un an et demi. Parce que voilà, en général, on croit que c'est contagieux, alors que pas du tout. Ça, je tenais à le dire, la maladie de Crohn est une maladie inflammatoire, donc qui n'est pas du tout contagieuse auprès des personnes qui ne s'attrapent pas. C'est pas bactérial, c'est pas viral. Mmh. Et voilà, quoi, c'est pas facile tous les jours de le vivre. Oui, j'ai du mal à accepter. J'essaye de l'accepter, mais c'est pas toujours évident. Et ça engendre aussi pas mal de stress, qui n'est pas bon pour nous non plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas tous les jours évident, et je tenais à dire aussi à la radio que je soutiens toutes les personnes qui sont malades, n'importe quelle maladie, parce que voilà, des fois on nous juge que ce soit un handicap ou que ce soit pas un handicap, que ce soit juste, c'est comme moi, une maladie interne inflammatoire, mais c'est pas facile tous les jours. On se bat tous les jours pour ça, tant financièrement qu'auprès des autres, surtout parce que j'ai perdu pas mal d'amis aussi avec cette maladie. Des gens qui se sont éloignés de moi parce que bon, ben voilà, au début je n'acceptais pas. Donc j'étais fort dépressif et déprimé. Et voilà quoi, et beaucoup de problèmes de sommeil aussi. Ça, c'est la catastrophe. Ben merci en tout cas, Christelle, d'avoir témoigné par rapport à ça. Bien sûr, c'est une différence à laquelle on ne sait que faire. Voilà, on vous entend, on entend votre témoignage, on entend votre souffrance, mais merci quand même de l'évoquer par rapport à ça. 30 63, si vous souhaitez encore témoigner par rapport à votre différence à vous. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon. Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Mais oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphone. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival, les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre Ici. En télé sur la Une. C'est le mal du siècle et dans le monde du travail, il fait des ravages. Ce sont les meilleurs éléments qui sont touchés par le burn-out. Burn-out, le mot est lâché. Un mot qui remet en question toute l'entreprise. Faut traiter les gens comme des êtres humains. Question à la Une fait sa rentrée ce mercredi soir sur la Une. My love vélo. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Tout ça c'est wallon, tout ça c'est bon. Ici, tout ça, c'est pour vous. Là-bas, sur les réseaux. On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure? On entend à la fois Facebook, Instagram. Ou on en pleure de rire. Un footballeur, ça s'y mêle encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre actu. Moi, forcément, je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Vivacité. La vie du bon côté. La différence du bon côté. On la met cette différence. Oh, bravo! Pouf! C'est facile, hein? La différence, on peut tout mettre du bon côté. C'est vrai. Il suffit juste de bien se positionner pour leur garder le bon côté, voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a moyen de rebondir à cette différence. Et donc, c'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Et surtout, parce qu'on co-organise avec Julie et moi-même et Julie, ces deux grandes journées. Donc, journée d'atelier coaching bien-être avec des spécialistes qui interviennent régulièrement dans mon émission le 30 septembre. À Mons, avec grâce à la PAC W, merci la PAC W, de mettre à ma disposition aussi des producteurs wallons. Merci à tous les partenaires qui vont mettre à ma disposition des chaises, des manches debout. Merci à tout le personnel technique de la RTBF qui vont faire en sorte que l'émission en direct soit une réussite devant, on l'espère, 300 personnes. Je rêve, mais je veux 300 personnes. C'est notre objectif. C'est notre objectif. Je ne rêve pas, je visualise. Oui. C'est un vendredi. C'est un vendredi. Et c'est un vendredi, voilà. Mais si vous souhaitez c'est le 30 septembre. Vraiment y être, vous y serez. C'est le 30 septembre. Sinon, il y a le 6 octobre à Liège. Ce sera une soirée, donc une soirée conférence avec ces quatre mêmes spécialistes qui seront là pour vous, avec moi-même, pour faire une conférence interactive avec une émission en direct, avec la visite du musée de la Beauverie, avec aussi de la restauration, avec un intermède musical, voilà, avec Jessica. Donc inscrivez-vous. 0477 57 90 55 via le mail lavie-du-bon-côté@rtbf.be, via la page Facebook. Voilà, il y a aussi le lien sur la page Vivacité, il y a aussi le lien sur le site de Cap 48. Bon, 48 euros pour tout ça. Oui. Ça va? Si ça, c'est pas beau. On peut y aller? On peut y aller. On ferme boutique. On y va. Mais je passe surtout les clés à ceux qui vont me suivre et qui sont les animateurs de l'émission Aller-Retour. Merci de nous avoir suivis, à suivre donc cette émission-là. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bon après-midi à tous. Toujours davantage de nuages sur l'ouest. Par contre, un ciel complètement dégagé sur l'est et le sud. Ça donnera des contrastes de température qui grimperont jusqu'à 25 ou 26 degrés en Gaume et en Campine. 24 dans le centre, 23 sur le littoral et sur l'ouest. Là où les éclaircies finiront quand même par percer en toute fin de journée. Demain, c'est plein soleil pour tout le monde. Cette fois, 23 à 27 degrés. On aura encore de hautes températures jeudi avec 23 à 28, voire localement 29 degrés. On perd quelques degrés à partir de vendredi, mais dans l'ensemble, on garde un temps sec au moins jusqu'à samedi. Avant, pour acheter une voiture, on allait au garage. On s'asseyait dans les bagnoles, on touchait au bouton, on mettait la radio à fond. Enfin, c'était chouette, quoi. Et puis ça sentait bon, le neuf. Et on discutait des heures avec un mec en costume qui connaissait tout sur tout. Oui, mais ça, c'était avant. Hein. En septembre, Renault lance les portes ouvertes comme avant. Avec des cadeaux, des animations, les toutes nouvelles Clio, Mégane, Talisman et des conditions sur toute la gamme. Ces 10 et 11 septembre, les journées portes ouvertes comme avant, c'est chez Renault Motors, partout dans le Brabant wallon. En télé sur la Une, nos Diables Rouges entament leur nouvelle phase qualificative pour le Mondial 2018 en Russie. Chypre-Belgique, vivez le match en direct ce mardi sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio.